Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire André Bello, un intellectuel dans la cité. Un intellectuel pour quelqu'un comme moi qui a eu 20 ans en 1950 et qui a été, comme tous les gens de ma génération, marqué nolens volens par Sartre et Camus et Bon et tout ça, c'est quelqu'un qui, dans une société, assume la fonction critique. Non pas à titre de spécialiste, mais à titre de généraliste. André Bello, au micro de Wilfrid Lemoine à l'émission La Ronde des Livres en 1984. Le nom d'André Bello est étroitement associé à la vie intellectuelle des années 70 et 80 au Québec. Professeur de littérature, habitué de la radio de Radio-Canada, membre fondateur de la revue Liberté, André Bello va signer de nombreux textes et quelques essais marquants à propos de Rabelais, son auteur fétiche, du roman québécois et de la langue parlée chez nous. André Bello est devenu très vite, pour moi et je pense pour beaucoup d'autres autour de moi, de mon âge ou même plus jeune, est devenu très vite une sorte de conscience pour nous, une conscience intellectuelle. Je pense que ça n'est pas du tout exagéré que de dire que c'est probablement le grand intellectuel que j'aurai rencontré dans ma vie, et intellectuel là, au sens le plus haut du terme, au sens le plus noble. Ça n'était pas du tout quelqu'un qui était enfermé dans les idées, au contraire, c'est quelqu'un qui circulait admirablement dans les idées et qui avait un regard critique, une lucidité absolument incomparable. Et pour nous, je le répète, il a été un véritable modèle de rigueur, un modèle d'obsession pour la vérité, pour le fond des choses. Mais je ne voudrais pas quand même donner l'impression qu'André Bello, par là, était quelqu'un de sérieux. Il était sérieux, mais il n'y avait absolument rien de l'intellectuel froid ou lointain ou ennuyeux. Non, c'était en même temps un rablaisien. Oui, c'est un rablaisien, justement. Il était rablaisien physiquement et il était aussi rablaisien par l'esprit. C'est quelqu'un qui adorait la vie, qui nous apprenait à adorer la vie aussi, qui chantait constamment des chansons, tout en tenant des discours extrêmement savants et précis aussi par ailleurs. L'essayiste et professeur de littérature François Ricard, qui a bien connu André Bello à la revue Liberté, entre autres, à l'émission Libre Parcours en septembre 1986, quelques jours après le décès d'André Bello. Pour nous rappeler le parcours et l'importance qu'a eu justement André Bello dans la vie intellectuelle québécoise des années 70 et 80, je reçois Benoît Melançon, qui est professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Benoît Melançon, bonjour. Bonjour, Jacques. Vous vous intéressez vivement à André Bello, Benoît Melançon. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce personnage vous fascine tant? André Bello, c'est pour moi et pour plusieurs personnes, l'intellectuel par excellence. C'est un modèle d'intellectuel. Alors, il est mort jeune, hein, il avait 56 ans en 1986. Il a été très célébré à ce moment-là. On a pu avoir l'impression par la suite qu'il était oublié, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il marque toutes sortes de personnes, il marque des générations de chercheurs en littérature québécoise, en littérature de la Renaissance, mais aussi des intellectuels québécois qui se reconnaissent dans son travail. Et c'est quelqu'un qui, autant il incarne justement cette vie intellectuelle au Québec dans les années 70 et 80, autant c'est quelqu'un qui a un parcours atypique. Il sera pour la plus grande partie de sa vie, professeur de lettres, professeur de littérature. Mais avant ça, il y a comme une première vie qu'on peut associer à André Bello, celle d'un fonctionnaire fédéral. Alors ça, c'est tout à fait étonnant parce que quand on regarde les profils de carrière des profs d'université aujourd'hui, ils font tous la même chose. Ils font des études supérieures puis ils deviennent profs presque tout de suite. Pas du tout pour André Bello. André Bello est entré dans la fonction publique fédérale assez jeune. Il y a fait des choses très, très étonnantes. Il a géré des hôpitaux, par exemple. Il s'est occupé de services du personnel. Et en 1958, il entre à l'Office national du film du Canada, où il va rester jusqu'en 1967. Alors, il est à la fois administrateur, producteur, recherchiste, on entend sa voix dans des films de l'ONF. Et là arrive un moment où il se dit, mais est-ce que c'est la vie que je veux continuer à mener? Est-ce que je veux rester fonctionnaire pour toute ma vie? Il a gravi les échelons de la fonction publique, donc il aurait pu continuer. Manifestement, c'est un assez bon fonctionnaire. Oui. Eh bien non, ce qu'il veut faire, lui, c'est retourner à ses premières amours, c'est retourner aux études de lettres, ce qu'il va faire à 37 ans en 1967. Ce qui n'est pas rien, et on y y reviendra sur ce virage important pour lui, mais un petit mot quand même, vous l'avez évoqué, sur sa période à l'ONF, parce qu'il va travailler avec de grands noms du cinéma québécois, Jacques Godbout, Denis Arcand, Fernand Dansereau, plusieurs autres aussi. Que dire de ce André Belleau-là, le producteur à l'ONF, Benoît Melançon? Alors, André Belleau a une très, très haute idée de ce que c'est qu'un fonctionnaire. Nous, on a plutôt tendance à dire du mal spontanément dans les conversations privées des fonctionnaires. Lui dit non, l'administrateur, c'est un créateur de discours comme un écrivain, au fond. C'est un imaginatif, c'est un poète. Donc, il considère qu'il y a un travail de création. Que fait le fonctionnaire? Alors, à l'Office national du film, ce qu'il va faire, c'est, et ça, c'est pour lui une chose essentielle, c'est travailler en équipe. Avec des créateurs, bon, Godbout et Arcand, c'est les deux avec lesquels il a le plus travaillé, il va travailler avec eux pour faire advenir des films, pour faire advenir des séries de films. Et là, il y a véritablement quelque chose qui dépasse la simple gestion. C'est une véritable création intellectuelle à laquelle Belleau veut collaborer quand il produit ou coproduit des films. Et pourtant, on y revient, il décide à 37 ans de retourner sur les bancs d'école à l'université. C'est pas rien ça non plus. Qu'est-ce qui explique ce virage-là? Alors, il y a une raison toute simple, toute bête d'une certaine façon. Il est à l'Office national du film depuis 1958 et il constate qu'en fait, les gens qui ont le vrai pouvoir à l'Office national du film, les gens qui font des choses, qui font advenir véritablement des choses, ce sont les réalisateurs. Alors lui, il ne veut pas être réalisateur, il ne veut surtout pas apprendre la technique qui lui permettrait d'être réalisateur. Donc là, il a un choix, il se rend compte que ce n'est pas la voie royale pour lui que de rester producteur. Il pourrait passer ailleurs dans la fonction publique, mais il se dit non, ce que je veux faire depuis que je suis adolescent, c'est travailler sur des textes, c'est analyser des textes. Alors, il a un cahier de lecture à cette époque-là, dans les années 60, où il dit en 1967 « Je me suis trouvé ». Je me suis trouvé, moi, à 37 ans. Il fait le choix radical de redevenir étudiant, donc nécessairement avec des gens beaucoup plus jeunes que lui, de faire d'abord un mémoire de maîtrise et ensuite une thèse de doctorat, parce que c'est ce qu'il a souhaité faire toute sa vie. Et il se rend bien compte que s'il ne fait pas ça là, en 1967, à 37 ans, il ne le fera jamais. Ouais. Et c'est à l'université, d'ailleurs, qu'il va poursuivre sa carrière après avoir été étudiant, après être retourné aux études à l'université. Il va devenir, au tout début de l'UQAM, d'ailleurs, de l'Université du Québec à Montréal, il va devenir professeur de littérature, puis il va enseigner là pendant des années. On l'écoute justement revenir sur ce choix de carrière qu'il fait, choix important, au micro de Wilfrid Lemoine à l'émission La croisée des chemins en 1978. Je n'ai jamais regretté une seconde, vous m'entendez, le fait d'avoir laissé cette carrière administrative. Et même, je n'ai pas retrouvé encore mon salaire de l'ONF. Jamais j'ai regretté d'avoir fait ce pas-là. Alors, qu'est-ce qui compense ce que vous avez perdu? C'est que je suis complètement et fondamentalement réconcilié avec moi-même. Je pense que je suis un bon professeur. Enfin, là, je vous le confie à vous, là. Oui. Et je reviens à l'expression que vous avez eue quand vous m'avez parlé du travail de l'administrateur. Vous avez dit que c'est un travail en surface, ce n'est pas un travail en profondeur. Là, vous avez la sensation que vous travaillez en profondeur. C'est ça. Et que toute ma vie est unifiée autour de ça. Je suis professeur de lettres. Si je lis le dernier roman paru, c'est toujours mon travail. Oui. Si, tout ce que je fais est unifié par mon métier. C'est une vie complète. C'est une vie complète. En littérature. Dans le domaine qui m'intéresse, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un critique, je suis un professeur de lettres. Ce n'est pas la même chose. Vous avez découvert ça. Oui, oui, c'est ça mon métier, moi. Ça doit vous parler à ce qu'on vient d'entendre, Benoît Melançon. André Belleau, donc, qui se dit d'abord et avant tout professeur de lettres. Vous êtes vous-même, donc, professeur de lettres. Parlez-moi de ça, du prof Belleau, de ce que représente pour lui l'enseignement. Alors, il a une très, très haute conception, je le disais tout à l'heure, du travail du fonctionnaire. Il a une conception encore plus haute du travail de professeur. Alors, avec des idées parfois très étonnantes, il a beaucoup réfléchi à ce que c'est qu'enseigner. Il s'est beaucoup posé de questions sur sa propre façon d'enseigner. Et il a dit, par exemple, un jour qu'il se refusait, alors lui qui avait une telle passion pour l'humour, il se refusait en classe de faire des blagues. Ah bon? Il disait, c'est trop important mon travail de prof, hein. Je suis pas là pour faire des blagues. Mes étudiants, eux, ne peuvent pas faire de blagues puisqu'ils sont pas dans le même, on n'est pas dans le même rapport, eux et moi. Donc, je m'empêche d'utiliser certaines ressources du langage pour bien montrer l'importance du travail que je fais. Alors, on peut imaginer qu'en 1984, quand il a gagné le prix d'excellence en études canadiennes pour l'enseignement universitaire, il était particulièrement content, il était particulièrement fier. Hein, c'est, il le dit, ça qui a donné l'unité à sa vie, à son travail intellectuel. Et puis cette espèce de bulle, hein, on le sent, il l'a chéri, cette espèce de bulle protectrice qui fait que comme prof, il peut entièrement se consacrer à l'enseignement, mais à ses lectures, à la littérature, quoi. Et parmi tout ce qu'il va lire, évidemment, il y a un nom qui ressort du lot, celui de Rabelais. C'est vraiment l'auteur fétiche d'André Belleau. On l'écoute en parler à l'émission « Le langage de mon pays » en 1972. André Belleau, ça nous fait plaisir de vous recevoir à « Langage de mon pays ». Merci. Et j'allais dire que je vous trouve un petit air rablaisien. Ah! Est-ce que ça vous insulte? J'en suis flatté. Bon, tant mieux. Parce que, dites-vous bien qu'il y a présentement un mouvement de retour vers Rabelais. Oui. Non seulement parce qu'il s'agit vraiment d'un des plus grands écrivains de la littérature française, mais aussi parce qu'en plein 20e siècle, on s'aperçoit qu'il est d'une étrange modernité. Mm-hmm. Pour bien des raisons. Une des raisons, elle est d'ordre linguistique. C'est que Rabelais est un prodigieux créateur de mots. Et évidemment, le jardin si profus de Rabelais a été, comme vous le savez, émondé par Vaugelas et les académiciens au 17e siècle. Mm-hmm. Mais la langue française du Canada conserve, comme vous le savez, plusieurs traits de mots, de syntaxe et de tournure qui sont ailleurs devenus des archaïsmes. Nous le savons tous, nous nous entendons là-dessus, ou qui sont des particularismes. Mais ces traits-là sont précisément ceux que nous trouvons également dans l'œuvre de Rabelais. L'œuvre de Rabelais, disons plutôt, et le franco-canadien puisent largement à une même source, qui est celle du français extrêmement vivant et extrêmement riche de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Alors, au-delà de cette parenté dont André Belleau vient de parler entre la langue de Rabelais et la langue parlée chez nous, à quoi tient cet amour qu'il a, André Belleau, pour Rabelais? Alors, Belleau, quand il rentre à l'université, fait un mémoire de maîtrise sur le thème du voyage chez Rabelais, et il découvre à ce moment-là un critique russe qui s'appelle Mikhaïl Bakhtine. Et ça, c'est déterminant dans la vie intellectuelle de Belleau, parce que Bakhtine lui enseigne une chose, c'est qu'il y a des langages en relation dans la société. Il y a des langages valorisés, des langages dévalorisés, il y a des langages dont on se réclame, d'autres dont on se méfie. Il y a une place du marché linguistique. Et c'est par là que Belleau va aborder l'œuvre de Rabelais en disant « il y a tout dans Rabelais ». Il y a le français le plus relevé et le français le plus populaire. C'est donc pas simplement une question de lexique, c'est vraiment une question d'appropriation personnelle par un écrivain du langage. Belleau, au début de sa carrière, quand il écrit ses premiers textes dans Liberté, il est assez volontiers puriste. Hein, il corrige les fautes des autres. Ben, quand il découvre Bakhtine, il arrête parce qu'il se dit « tiens, le langage, c'est ça. C'est de l'interaction. C'est des formes différentes de langues qui sont en contact les unes avec les autres, parfois en conflit les unes avec les autres. » Et ça, cette découverte-là, il va l'utiliser pour comprendre Rabelais, pour comprendre la littérature québécoise, pour comprendre toutes sortes d'autres phénomènes. Pour lui, c'est absolument capital. Il se l'approprie. Le livre qu'il va signer sur Rabelais s'intitule « Notre Rabelais ». Alors ça, c'est intéressant parce qu'il ne l'a pas publié de son vivant. Le livre paraît en 90. Belleau est mort 4 ans plus tôt. Il avait déjà publié, bien sûr, beaucoup de textes sur Rabelais. Il avait fait plein d'émissions de radio sur Rabelais. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est son titre. C'est « Notre Rabelais ». C'est pas Rabelais et les langues, c'est pas Rabelais et la littérature, c'est à nous. Et ça, c'était très important chez Belleau, de dire qu'il y avait une lecture proprement québécoise de Rabelais. Mmh. Rabelais fait partie de notre héritage littéraire, de notre héritage culturel, mais nous, en tant que Québécois, nous le lisons d'une façon particulière, notamment par cette mise en relation des diverses formes de langue. Donc, il y a vraiment un Rabelais québécois pour Bello. Et ce Notre Rabelais, il est parfaitement choisi pour illustrer sa façon de concevoir le travail de l'écrivain. Ouais. Il va aussi beaucoup, c'est naturel, avec ce que vous venez de nous dire aussi, s'intéresser au roman québécois comme tel, André Bello. Sous quel angle s'intéresse-t-il à notre littérature? Alors, il prend une période, 1940-1960, puis il se dit, tiens, il y a dans beaucoup de romans québécois de cette période-là une tension entre des gens qui veulent être écrivains et qui n'y arrivent pas, et des gens qui veulent réussir dans la société sans se servir de la littérature, ou à côté de la littérature, et qui y parviennent. Et donc, il va travailler sur ce qu'il appelle le romancier fictif, c'est le titre de son livre de 1980. Il va essayer de comprendre quel est le statut de la littérature représentée dans le roman québécois. Alors, à partir de cette figure de l'écrivain fictif, il va bien montrer comment, par exemple, la littérature québécoise, évidemment, est une littérature qui se définit par rapport à la littérature française, mais qui, en même temps, se singularise dans son rapport entre la vie et l'écriture. Ouais. On entendait au tout début de l'émission François Ricard, qui a connu André Bello à la revue Les Libertés, entre autres. Ça nous permet justement d'évoquer cette période d'André Bello à Liberté. Il crée cette revue-là en 1959. Quelle place ça va occuper, cette revue, Liberté, dans sa vie? Alors, c'est une place capitale parce que Bello, je le disais au sujet de l'Office national du film, Bello est un homme d'équipe. Ce qu'il aime, lui, c'est travailler avec les autres, à faire des choses. Alors, à l'ONF, il fait des films, à Liberté, il fait une revue, il fait des colloques internationaux, les rencontres québécoises internationales des écrivains. Quand il en parle dans les années 1980, là, pas longtemps avant sa mort, quand il parle de son rapport à Liberté, il compare Liberté à une taverne en disant « on se rassemble là, entre, alors, manifestement entre hommes à cette époque-là, mais on se rassemble pour faire quelque chose. Il y a véritablement un projet commun. Et ça, pour moi, c'est très important pour comprendre Bello. Bello, ce n'est pas l'intellectuel retiré du monde. C'est l'écrivain, c'est l'intellectuel, c'est l'essayiste dans le monde et dans le collectif, dans la collaboration. Et dans cette revue, il va parler de tout, de littérature québécoise, de chansons populaires, de cinéma, de littérature et de musique allemande, de cybernétique et j'en passe. L'une des préoccupations majeures qu'il a, André Bello, c'est la situation du français au Québec. En 1980, il publie un texte qui va avoir un certain impact, « L'effet de Rome » ou « Comment Radio-Canada colonise et aliène son public ». Il publie ce texte dans les pages de la revue Liberté, justement. Ce que j'entends par l'effet de Rome, c'est un trait d'élocution, d'énonciation, qui se rapporte aux mots étrangers, et notamment aux mots anglais. Alors que je crois que je dirais, moi, et je ne parle pas de la norme, là, mais spontanément, et que bien des gens que je connais diraient spontanément Robert Andras ou Robert Andrus, l'effet de Rome produit Robert Andrus. Ou quelque chose d'analogue. Si bien que tout ceci fonctionne comme si il y avait un mépris de la phonétique et de la phonologie du français, et que ceci a pour effet de faire croire aux gens que tout ce qui n'est pas français est anglais. Mmh. Or, comme nous vivons logés contre le cœur de l'Empire, si l'on peut s'exprimer ainsi, et que la culture anglo-saxonne nous entoure et nous presse, si nous, par cette façon de faire, nous inculquons, surtout chez les jeunes, le sentiment qu'il n'y a dans le monde que la culture anglaise et qu'il n'y a pas de savant autre qu'américain, il n'y a pas de pianiste autre qu'américain, ainsi de suite, ceci a pour effet de ne pas relativiser ce qui nous menace le plus et en ne le relativisant pas, de diminuer, rapetisser, réduire, folkloriser notre propre culture, comme si le français n'était plus une langue propre à dire la cuisine et la chaîne. André Bello, à l'émission Débat, diffusée à la radio de Radio-Canada le 10 septembre 1980. Dans cet extrait, André Bello donne l'exemple de Robert Andras, qui, à l'époque, on l'a oublié depuis, mais est un ministre fédéral. Au-delà de Robert Andras, que nous dit ce texte, l'effet de Rome sur la vision qu'a Bello de la situation du français au Québec, Benoît Mélenchon? Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est le geste intellectuel de Bello. Bello part d'une chose très, très précise, la prononciation des mots qui ne sont pas français par un présentateur à la télévision, Bernard de Rome, et de là, il tire une conclusion. Et c'est une question qui l'a beaucoup intéressé parce qu'il a repris ce texte-là à plusieurs moments, il en a donné diverses versions. Il y avait là vraiment quelque chose pour lui de tout à fait fondateur. Alors, on est encore dans l'effet de Rome. Hein. Si vous écoutez les matchs de hockey à la télévision ou si vous suivez l'actualité sportive, vous allez découvrir qu'un fondeur québécois peut très bien s'appeler Alex Harvey, ouais. Au lieu de s'appeler Alex Harvey. Donc, il a mis le doigt sur quelque chose qui était réel à cette époque, et ça montrait bien comment le français, c'est pas simplement une question de statut politique, c'est aussi, dans des choses comme celle-là, il rapportait l'effet de Rome à une chose très, très concrète, il disait « ma mère ». Pourtant francophone, a du mal à comprendre le téléjournal à cause d'un effet comme celui-là. Parce que c'est ça un intellectuel, c'est quelqu'un qui part de quelque chose qui peut paraître banal, qui en tire une leçon et qui montre bien comment cette leçon a un effet concret sur la vie, en l'occurrence ici, des téléspectateurs. Ouais. En 83, il signe un autre texte qui est important, qui a toujours trait à la langue qu'on parle chez nous. Le texte s'intitule « Langue et nationalisme ». Vous dites d'ailleurs, Benoît Menançon, que c'est le plus brillant texte jamais écrit sur la langue française au Québec. C'est pas rien. Pourquoi? Alors, Bello a compris quelque chose très, très rapidement. En 1977, le premier gouvernement du Parti québécois vote la Charte de la langue française, ce qu'on appelle habituellement la loi 101. Ben, dès le début des années 1980, Bello dit « il faut, dès aujourd'hui, remotiver nos politiques linguistiques ». Il y a eu des raisons pour expliquer l'adoption de la loi 101 en 1977. Ben, on ne peut pas continuer à vivre comme société toute notre existence à partir de ces raisons-là. Il faut réfléchir aux raisons pour lesquelles nous devons parler français. Et là, cette phrase brillantissime, hein. Nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler. Vous voyez, il s'agit là de dire, c'est par le langage que j'ai accès au monde. C'est par le langage que je peux comprendre le monde qui m'intéresse. Alors, il se trouve que, vivant au Québec, c'est par le français que je fais ça. Ce n'est pas simplement que le français qui est en cause ici, dit-il, c'est la faculté de langage. Donc, vous voyez, à partir d'une question politique, la loi 101, il réfléchit à ce que c'est que le langage pour une société en disant très clairement, moi, je refuse de vivre dans un jardin zoologique linguistique et dans un parc linguistique où on serait parqué, nous, les Québécois, à parler une langue bizarre. Hmm. Nous avons droit au langage et le langage, pour nous, c'est le français. Ouais. Il meurt en 86, André Bello. Vous l'avez un peu évoqué au début de l'émission, mais avec le recul, quand on regarde un peu son legs, son héritage, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, il est très présent, peut-être pas visible de l'extérieur par la population générale, mais il est très présent, notamment dans la critique littéraire, comme analyste du roman québécois. Les gens qui travaillent en roman québécois aujourd'hui, c'est tous Bello. Ils sont tous obligés de passer par là. C'est devenu le détour obligé quand on réfléchit à des questions de roman. Donc, il y a l'analyste du discours littéraire, mais il y a aussi la figure de cet intellectuel qui entend des mots chez Bernard de Rome, qui se promène dans la rue, qui voit des affiches et qui réussit à en tirer une leçon, une réflexion sur ce que c'est que la société qui est la sienne. Donc voilà, c'est quelqu'un qui laisse une trace profonde sur différents plans, mais il n'a évidemment pas la visibilité de certains de ses contemporains, hein, par exemple Jacques Godbout ou Denis Arcand, qui ont été beaucoup plus visibles, ouais. Mais il a une influence considérable encore aujourd'hui. Benoît Menançon, c'était un bonheur de vous entendre nous parler d'André Bello, professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Benoît. Ça me fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.